consulter la programmation des spectacles à venir sur lepaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Bonsoir Marc. Bonsoir Michel et bonsoir chers auditeurs et auditrices. Ce soir, on ouvre l'émission avec une nouveauté norvégienne, le groupe pour nom Lumsk. Et c'est le quatrième album de cette formation qui, à l'origine, était pas mal près du métal et a évolué tranquillement vers un rock progressif. Donc, quatrième album qui a pour titre Fremde Tune, j'espère que c'est bien prononcé. Et ça faisait 16 ans que cette formation n'avait pas présenté d'album, le plus récent étant en 2007. Donc, on peut parler effectivement d'un retour pour cette formation norvégienne. Et puis, on aura aussi un extrait, un troisième extrait d'un album italien. C'est l'album du chanteur Davide Ronfetto, End Lightning Nights et Darkening Days. Un excellent disque, je pense qu'on peut-être qu'on ne passera pas au complet, là, mais c'est notre troisième extrait à ce jour. Et puis Marc, par la suite, on revient au Québec. Oui, avec la formation Polychuck. Il s'agit du projet de Thomas Polychuck, qui est un musicien de Unexpect. Et c'est un style qui va du prog metal à l'électropop. Ils ont collaboré avec Derek Sherinian de Dream Theater. Alors pour les amateurs de Opeth, Dream Theater, Porcupine Tree, Riverside également. Ils seront en première partie de la formation Anecdoton le 19 mai prochain dans le cadre de Terra Incognita. Donc en première partie pour nous présenter leurs pièces. Jusqu'à maintenant, ils ont produit des pièces en simple et ils travaillent sur un premier album qui devrait paraître en 2023. Alors pour ce soir, on ira avec la pièce Blind Lead the Blind. Et ce sera suivi de la formation italienne Min Dance, second extrait de leur nouvel album Colors, paru au début janvier. Et c'est une formation de rock psychédélique. On se ramène au tout début des années 70 avec ce style musical. Mais comme vous disait Michel, on débute d'abord avec la formation Lumsk. The day is done and the darkness falls from the wings of night. As a feather is wafted downwards from an eagle in his flight, I see the lights of the village gleam through the rain and the mist, and a feeling of sadness comes over me that my soul cannot resist. A feeling of sadness and longing that is not akin to pain and resembles sorrow only as a mist resembles rain. Come read me some poem, some simple and heartfelt lay that shall soothe this restless feeling and banish thank you. as showers from the clouds of summer, or tears from the eyelid stars. Silently steal away. Time is coming, oh, of being us. that's what they say. One of a kind, I'll find my way. Hate brings more hate and scars that stay. The cycle breaks, I'll find my way. Blinding the blind, that's what they say. Empty words come. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Plongez dans l'ambiance feutrée, sexy et burlesque des années 20. Soyez témoin de la rivalité entre les célèbres Roxy Hart et Velma Kelly dans la comédie musicale Chicago. Un incontournable de Broadway présenté entièrement en français par les productions Forum Rococo. Le samedi 15 et vendredi 21 avril à 20h au Théâtre de la Cité Universitaire. Réservation via la page Facebook des productions Forum Rococo. Là, je sais pas. Fais-toi en pas. Ça va, ça va. Ici Paul André et Lou-Adrienne Cassidy. Ça nous fait plaisir d'être porte-parole du Radioton cette année pour le 50e anniversaire de cette extraordinaire, unique, essentielle, fantastique radio qu'est CKRL. Je voudrais aimer. Je voudrais donner. Donc, on se voit entre les 28 et 30 avril prochains. À bientôt. Ciao. Je voudrais tomber en amour avec toi. L'action ne manque pas au cinéma Le Clap Sainte-Foy et de Loretteville. Surveillez les nouveautés, les classiques et les films québécois. Présentement en affiche. Cinévoyage présente Nouvelle-Écosse au rythme de la nature. La couleur de l'encre, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, John Wick, chapitre 4, Jour de merde, Maestros, Mon crime, et tout, partout, tout à la fois. Consultez la programmation en cours sur leclap.ca. Bon cinéma! Ici Jessica Leb. Sortie culturelle à la Korrigane, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec CKRL et les artistes d'ici. Chaque mercredi de 18h à 20h, les invités se dévoilent au plus près de vous en entrevue et prestations au 380 rue Dorchester. En assistant à l'émission, vous pourriez repartir avec de beaux prix de présence. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à Terra Incognita, on entame ce second bloc musical avec une nouveauté, c'est-à-dire un disque de Marco Bernard, membre des fameux de Samurai of Prog, et en fait c'est son premier disque solo et qui a pour titre The Boy Who Wouldn't Grow Up. Et ben, je disais disque solo, mais écoutez, on pourrait presque dire que c'est un disque de Samurai of Prog. Ben, on y retrouve ses complices Steve Unruh et aussi Kimmo Porsti à la batterie, et avec beaucoup de collaborateurs réguliers de Samurai of Prog. On pense à Marco Grego qui y a pas si longtemps, a lancé là, avec Samurai Anthem to the Phoenix Star. Il y a aussi Octavio Stampaglia, claviériste argentin du groupe Inetes Negros, qui lui aussi a collaboré à plusieurs projets de Samurai of Prague. Et puis, ben, parmi les autres invités qu'on retrouve, il y a Matthew Pamenter, ça c'est pas courant, c'est la première fois, sauf erreur, qu'il contribue là, à un des projets de Samurai of Prague. Et puis, ben, pas ça, c'est pas nouveau. Alexandro Di Benedetti, qui de Inner Prospect et de Matt Crayon, qui lui est un régulier, vraiment, là, je pense qu'il en manque pas un. Et d'ailleurs, il signe la composition qu'on va écouter ce soir, Never Neverland. Et par la suite, Marc, je pense qu'on se dirige résolument vers la Norvège. Oui, et ce sera en exclusivité à la Radio de Québec. On aura un extrait du nouvel album du claviériste norvégien Lars Frederik Freusle, mieux connu comme claviériste de Wobbler, qui va faire paraître le 2 juin prochain son premier album intitulé Fir Fortillingen, qui signifie quatre contes, et on aura pour vous ce soir une des quatre pièces de cet album, et ce sera suivi d'un extrait du nouvel album du guitariste allemand Chris Engels, tiré de son nouvel album Gods. On sait que Chris Engels a aussi son projet Sand Project. Alors ce soir, on aura la pièce The Impulse, mais comme vous le disait Michel, on débute d'abord avec une nouvelle pièce de Marco Bernard. Together till the end of time. This is the time, my friends. This is your chance to live your stunning adventure on this island of lonely souls. don't believe me when I say I'm fine. In this island where nobody is mine, I'm flying faster to leave you sooner. In the shadows of the burning dawn, crying brothers make you feel like a father. Take your seat and watch me while I see you die. This is the time, my friends. This is your choice to leave the world as you've known till now, to come to another. kanskje vi har vært her for lenge siden. Alt virker så kjent og hjemlig for meg. Våre røtter som stier som lever tilbake til et sted som føles vel innunder himmel. Velve we'll

ça vous fera pas mal. La menterie, c'est plus gentil. C'est généralement un récit de vie qui a été embelli. Bref, c'est quelque chose qui divertit. La truite que j'ai poignée était longue de même. Wow, wow, wow. OK, longue de même. Pour entendre plus de menteries, visitez-nous sur lesamisimaginaires.ca. Les chocolats de Pâques faits de véritables chocolats pur beurre de cacao sont maintenant disponibles à la boîte à pain. Fait à partir de chocolat lacté 38% et aussi avec le chocolat noir Guayaquil 64%, faites votre choix entre notre croquant Gaston le mouton, nappé de chocolat blanc, notre création Justin le poussin ou encore notre classique œuf de Pâques de la boîte à pain. Réservez tôt, quantité limitée. Boîteapain.com. Ici Minibulle, l'ami de Mini-Jean. Je vous invite à écouter Partout où on va, les dimanches 17h à CKRL 89.1, la super émission radio produite par le Maja Club. CKRL 89.1, 50 ans de radiophonie. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura une excellente formation des États-Unis qu'on aime beaucoup ici à Terra Incognita, la formation IZ, qui a été fondée dans l'État de New York en 1996. Ils ont 9 albums à leur actif. Et ce soir, on écoutera un extrait de leur album Don't Panic, paru en 2019, avec la pièce Age of Stars. Et ce sera suivi d'une formation de la Norvège, Curse Pink, qui ont fait paraître en 2013 l'album Mystic Spirit. Alors, Curse Pink avait été fondé en 1973. Les premiers albums datent de 1980 et 81. Donc, dans la première décennie des années 80, il y a eu 2 albums. Il y a eu 2 albums dans la décennie des années 90. Ensuite, un album réalisé en 2002, un autre en 2013, et leur plus récent date de 2021. Alors, on aura donc de Mystic Spirit la pièce Mysterious Wood. Et ensuite, Michel, on enchaîne avec une formation italienne des jeunes musiciens de grand talent qui en ont surpris plus d'un avec un album paru en 2015. Oui, tout à fait. Et on est plusieurs à espérer que cette formation, qui a pour nom la Fabrica dell'Assoluto, récidive et nous propose un nouvel album 2015-2023. Ça commence à faire long. J'espère que le groupe existe encore, parce que leur unique album à ce jour, l'Ultimo Uomo d'Europa, est une pure merveille. Mais auparavant, on y va avec Is et un extrait de leur plus récent album studio, Don't Panic. We'll be right back.

help us realize. Open up our eyes. questo luogo senza dignità. Thank you.

understanding, contra dancing supreme. Marry me in the blue. We'll find the frequency of you. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Ici Pierre Dolbecq qui vous invite au Diapason Fest le 5 mai prochain au Bûcher Bar et Spectacle. Un spectacle bénéfice dont les profits seront remis à CKRL et à la Fondation Amplisson, avec des prestations des artistes émergents suivants: Orageant, Electric Neon Clouds, Anderson's Missing Bell, Vision of Delusion, Mother Inquisition et Hidden Bliss. Les billets pour le Diapason Fest sont en vente sur lepointdevente.com au coût de 25$. Récitez-moi, comme ça, sans réfléchir, les lieux où vous vous êtes aimés, tous les deux. Un banc jaune au bord du fleuve, à Saint-Jean-Port-Joli. L'allée de peupliers du cimetière de Saint-Antoine-de-Tilly, où il m'a dit: Je n'ai que toi au monde. Un sentier, tout au bout de l'île Bonaventure, d'où l'on aperçoit soudain le ciel rempli de fous de bassin. Le divan où il a dormi 3 nuits d'affilée avant de se décider à gagner mon lit. La plage d'Ogunquit en octobre, où j'ai su que ce serait pour longtemps. Peut-être pour la vie. Espèce en voie de disparition, un texte de Robert Lalonde dans une mise en lecture de Marie-Ginette Gay. Du 31 mars au 2 avril, au Théâtre du Conservatoire. Billets en vente dès maintenant sur le site du Conservatoire, conservatoire.gouv.qc.ca. La dernière improvisation remix, elle a pour titre Poussière d'étoiles, catégorie Cosmic Groove. Durée 3 minutes. Le match de la Ligue d'impro musicale de Québec avec ses invités spéciaux Normand Brathwaite, Elisabeth Blouin-Brathwaite et François Pérus au Palais Montcalm le 22 avril. Détails au palaismontcalm.ca. Le printemps est arrivé chez Lefèvre. C'est pourquoi nos petits amis de la ferme ont revêtu leurs plus beaux habits chocolatés, blancs, noirs et chocolat au lait. Ils n'attendent que vous. Venez les chercher pour les rapporter à la maison et ainsi faire le bonheur des petits et des grands. Chez Lefèvre, on vous offre authenticité, qualité, fraîcheur. Votre boulangerie de quartier vous souhaite joyeuse Pâques. Visitez notre page Facebook pour plus d'informations. CKRL 89.1. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Ben voyons, le monde est donc bien cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce.